La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, être sans être tout à fait, le cas Olrich. Tout le monde le connaît, le colonel Olrich est l'ennemi juré de Black et Mortimer, les deux célèbres héros de bande dessinée inventés par Edgar P. Jacobs. Olrich est cruel, sournois, opportuniste, globalement sans scrupules, et sa perversité est à symétrie sphérique, au sens où elle est la même quel que soit le point de vue depuis lequel on l'examine. Heureusement, ce personnage n'est qu'un personnage de fiction. Sauf qu'en fait non, ce n'est pas vrai, il a bel et bien existé. C'est ce qu'ont pu démontrer deux chercheurs persévérants à l'issue d'une longue enquête qui les a beaucoup fait voyager, sur Terre et dans les archives. Ces deux chercheurs ont le même patronyme, car l'un est le fils de l'autre. Ce nom, c'est Devenir. Non, pardon, c'est Védrine. L'anagramme de Devenir, mais faut pas confondre les deux mots. Le premier est Hubert Védrine. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes donc ancien ministre des Affaires étrangères, entre autres choses. Vous êtes bien connu de tout le monde, notamment des auditeurs de France Culture. Et je crois que dans certains endroits, vous vous définissez comme un fan de la ligne claire. Est-ce que c'est un terme politique ou est-ce que c'est un terme de dessin? Non, fan est trop fort parce que ça fait partie de mon environnement, mon mode de vie, ma famille, la culture de mon enfance. Je pensais pas être un fan, je pensais que c'était normal de dévorer les Tintins, les Jacobs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la ligne claire? Ben, la ligne claire, c'est ça, mais je ne le savais pas, quoi. Je suis pas devenu fan pour être fan comme... On parlerait d'un groupie pour une vedette, vous voyez. Ah, d'accord. C'était l'oxygène et l'air que je respirais, voilà. Donc, on dessine l'ombre des véhicules, dans cette façon de faire de la bande dessinée, mais on ne dessine pas l'ombre des personnages. Ça vous semble cohérent? Ils sont bien dessinés, en général. Il y a un contour, c'est pas flou, vous voyez. C'est très construit, en plus. C'est la grande bande dessinée belge, en fait, à l'origine. Hein, c'est Hergé Jacobs. Est-ce qu'il pratique la ligne claire de la même façon? Pas tout à fait. C'est plus clair au sens, c'est plus net et plus simple dans Hergé. Mais ça le reste énormément dans Jacobs. Et puis on peut le retrouver après dans des successeurs. La bande dessinée s'est développée de façon incroyable. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 000 par an. C'est tout un monde en soi. Mais enfin, il y a une continuité. La série qui s'appelait « Les 7 vies de l'épervier », illustré sublimement par André Juillard, par exemple, c'était encore de cette famille-là. Mais c'est un courant minoritaire, on va dire, aujourd'hui. Mais c'est celui de mon enfance. Moi, j'ai découvert une partie du monde à travers ça. On y reviendra, évidemment, mais je veux d'abord présenter le deuxième Védrine, qui, lui, se prénomme Laurent. Bonjour. Bonsoir, Étienne. Vous êtes réalisateur, journaliste, apiculteur urbain. Apiculteur urbain, c'est-à-dire oui. Ça veut dire que je m'occupe des abeilles dans la ville. Et vous êtes également auteur de documentaires, vous êtes vélosophe. Absolument. J'ai reçu récemment un coureur cycliste professionnel qui a écrit un livre de philosophie qui lui se présente comme cyclosophe. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre vélosophe et cyclosophe? La vélosophie sous-entend qu'on appartient au collège de vélosophie, qui a été fondé par un dessinateur d'ailleurs de bande dessinée, qui s'appelle Didier Tronchet, qui est un peu le pape de la vélosophie. Et moi je fais partie de ses adeptes. C'est une pratique qui consiste à percevoir le monde en mouvement et en équilibre sur un vélo. On m'a dit qu'un nouveau courant allait traverser cette philosophie qui s'appelle la nouvelle vélosophie. Vous confirmez? La nouvelle vélosophie, oui, mais il y a toujours des gens qui cherchent à contester ce que les anciens ont patiemment essayé de construire en termes de sagesse. J'ai entendu parler de cette nouvelle vélosophie, mais je ne sais pas jusqu'où elle va nous mener. En tout cas, j'espère qu'ils continuent à tenir leur guidon, quoi. En tout cas, je vous ai invité Hubert et Laurent Védrine pour ce livre que vous venez de faire paraître, qui s'intitule « Olrich, la biographie non autorisée ». Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres biographies qui font concurrence à la vôtre? Est-ce qu'il y a une guerre parmi les biographes sur la trajectoire de ce personnage dont vous avez démontré l'existence alors qu'il était considéré jusqu'à maintenant comme un personnage de fiction? Non, il y a deux choses différentes. Il y a Jacobs qui était un génie, créateur, comme Hergé, qui a inventé ce personnage d'Olrich. Mais nous, notre thèse à nous, c'est ce que nous développons dans cette enquête, c'est qu'il l'a fait à partir d'un personnage réel, Olrich, dont on a reconstitué la vie après beaucoup de travaux. Et il y a toute une école jacobsienne, proprement parlée, qui a continué après la mort de Jacobs, et qui a fait, je crois, même une quinzaine d'albums depuis, avec des talents incroyables. Dans les scénaristes, on peut citer Jean Van Hamme, qui est exceptionnel, Yves Sant, il y en a d'autres aussi, dans les dessinateurs, André Juillard, qui fait d'ailleurs la couverture de notre livre. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas sur le même terrain. Nous, on ne contredit pas ce qu'ils ont raconté à partir de l'histoire de Jacob, puisque notre approche n'est pas à l'intérieur de ce monde. On parlait du vrai Olric. On dit, nous, il y a un vrai Olric, et chaque lecteur se fera son opinion sur ce point. On explique comment on l'a trouvé, on a recherché. Mais donc, c'est deux choses différentes. Vous êtes des olricologues. Cela dit, il y a eu des tentatives quand même de biographie d'Olric, qui sont parues ces dernières années. Le vrai, qu'on a consulté avant de commencer cette enquête, et on a constaté à chaque fois que les auteurs ou ces biographes n'avaient pas réussi à déceler que cet Olric, ce personnage emblématique, avait eu une existence réelle en chair et en os. Peut-être justement par leur fascination, leur proximité avec le monde de la bande dessinée ou avec l'œuvre de Jacobs, c'est peut-être ça qui les a empêchés de dévoiler ce que nous, on a peut-être pris le risque de dévoiler tout ça. Mais c'est vrai que d'autres personnes s'étaient intéressées à Olric avant nous et qu'on s'inscrit dans un travail qui a commencé il y a une trentaine. Mais avant de parler d'Olric, est-ce qu'on peut parler un peu de Jacobs? Est-ce qu'il est vrai? En tout cas, vous le dites dans le livre, et que tout ce qui est dans le livre est vrai, je présume. Vous dites qu'il a été d'abord chanteur d'opéra. Ça, c'est tout à fait établi. Il y a des points qui seront peut-être controversés par des spécialistes de haut niveau. Mais oui, non, il voulait être chanteur d'opéra. Il l'a été pendant quelques années, je crois. Il l'a été avant de devenir, à cause des péripéties de la guerre, et je crois qu'il ne trouvait pas de job en tant que chanteur, en fait. Et puis comme les BD américaines, les illustrés américains ne pouvaient pas arriver en Europe à cause de l'occupation nazie, vous voyez, il était dirigé vers ça. Donc oui, c'est un personnage intéressant, Jacobs, très très très génial. Il a travaillé pour Hergé d'ailleurs au début, il a fait des illustrations dans plusieurs albums de Tintin. Il apparaît lui-même dans certains dessins. Oui, je crois dans Les Cigares du Pharaon. Et dans le il y a un sarcophage encore vide où il y a marqué Edgar P. Jacobs, égyptologue. Et puis, c'est dessiné dans la réception finale du sceptre d'Ottokar. Donc, il y a ce personnage qui est assez connu. Mais ce qui nous a intrigué, c'est que, alors, il a pas mal parlé quand même de ses inspirations, de sa création. Mais sur Olric, il est toujours resté dans un flou qui nous a paru dissimuler une énigme, quand même. Oui, parce que Black et Mortimer ont des origines, enfin des modèles simple. Qui sont connus. C'est plus simple, c'est plus clair. Hein? Cela dit, est-ce que c'est un flou dissimulé ou est-ce que c'est un flou entretenu? Puisque on sait que Jacob s'est volontairement prêté à des séances de photos où il pose dans les mêmes postures que Olric lorsqu'il est dessiné. On sait qu'il a laissé glisser un certain nombre d'indices sur lesquels on s'est basé. Non, mais il a toujours joué sur cette ambiguïté entre ce personnage dans son œuvre et ce qui l'a inspiré, mais sans aller jusqu'à donner, finalement, suffisamment d'informations. Il a donné la piste Balt, je crois. Il a donné la piste Balt, il a donné des pistes liées à des services secrets en Europe de l'Est, et c'est ces pistes-là qu'on a tirées, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement, c'était plus que des pistes, c'était quasiment des preuves. Mais il y a un élément qui semble parfaitement établi, c'est qu'il est né en Estonie. Ah oui, absolument. Ouais, oui, je parle d'Olric, pas de Jacobs, évidemment. Olric est né en Estonie au début du XXe siècle. Celui dont nous parlons est né en Estonie, effectivement. On ne sait pas exactement le lieu de naissance. On sait qu'il a grandi, par contre, sur l'île de Saaremaa, qui est une très grande île qui est au large de l'Estonie, en fait. Et en particulier dans la capitale de cette petite île qui s'appelle Kuressaare, où il y a un vieux château médiéval, gothique, très sombre, avec des hauts murs, très peu de fenêtres. Où son père était intendant, en fait, et intendant d'un château qui était déjà dépossédé de sa vie médiévale. C'était un château qui appartenait à l'État estonien, et c'était pas un endroit très, très marrant pour grandir. Il y a une photo du château, d'ailleurs, dans le livre. Oui, je l'ai pas dit, mais votre livre est assez abondamment illustré, compte tenu de l'époque dont nous parlons. Les photos étaient rares, et elles sont nombreuses dans votre livre. Vous avez fait des découvertes. Oui, il y a quelques vignettes tirées des albums de Jacob, quand nous pensons que ce sont les albums les plus proches de la vie du vrai Olric que nous avons reconstitué. Mmh. Il y a quelques photos sur des moments marquants de la vie d'Olric. Mais ce que je voudrais ajouter à ce qu'a dit Laurent, c'est que dans notre travail, on met en évidence qu'Olric est issu d'une famille allemande, en fait, teutonique à l'origine. D'origine allemande. Et donc, mais c'est des familles complètement déclassées, complètement désargentées, et son enfance se passe dans des conditions pénibles, de pauvreté assez grande, et c'est humiliant. Et c'est important parce qu'il y aura le ressort toute sa vie après. Ne plus jamais connaître ça, sortir de ça, se venger de ça, vous voyez. Ah oui, enfin, mais que... le château, il est né, est devenu un musée. Le château est aujourd'hui un musée. Incroyable. Il y a d'ailleurs le visiter donc. Il est tout à fait visitable. Il y a des archives en ligne. D'ailleurs, c'est sur ces archives qu'on s'est beaucoup basé, même si on a communiqué avec la conservatrice. Et l'endroit existe. Et il y a même d'ailleurs dans les sous-sols un espèce de cachot où un des ancêtres d'Olric aurait eu des démêlés avec l'Inquisition. Enfin, ça, vous pouvez voir ça sur le site en question. Et ce qui m'a semblé incroyable, c'est que dans votre livre, il y a une photo qui a été prise par Olric, qui n'est pas signée, mais vous avez pu déterminer qu'elle a été prise par lui. Elle a été prise à Saint-Pétersbourg et on voit le tsar Nicolas II qui félicite les participants d'une course automobile organisée entre officiers et enseignants des académies militaires. Oui. Olric, c'était un type qui était très très intéressé par les inventions, la technologie, la modernité, comme Jacobs. Mais Olric est grandi au début du XXe siècle, c'est l'époque où on invente, c'est pas où on invente l'électricité, mais ça se répand, la photographie, le cinéma, tout ça arrive un peu partout en Europe. Et Olric, à cette époque-là, il est pensionnaire dans un collège militaire, et évidemment, il s'intéresse à toutes ces technologies. Et il vivait à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, et cette photo qu'on a retrouvée, en fait, vous en parlez, mais on peut pas citer la source, nous. On s'est engagé à pas citer la source. Ah. On sait, par contre, que véritablement, Olric et en fait toute sa classe ont assisté à cette course d'automobile. Voilà, c'est vers 1913-14, et Olric a continué à faire des photos. Mais quelles ont été ses relations avec ses parents? Est-ce qu'il a été aimé? Est-ce qu'il a souffert de traumas? Parce que vous donnez un portrait psychologique d'Olric. En tout cas, vous faites parler le docteur Guy Muruani. Marouani, grand psychiatre, psychanalyste français, qui a écrit des articles dans l'évolution psychiatrique ou bien dans psychothérapie, ce qui est pas rien. Et voilà ce qu'il écrit. On peut conjecturer de ces constatations qu'Olric souffre, au moins au regard du psychiatre, d'une absence totale de surmoi. Il est en conséquence toujours convaincu d'agir au mieux de son intérêt, même s'il le met temporairement au service des pires projets. L'inexistence pour lui des catégories de bien et de mal fait qu'il n'est pas sadique. Il ne tire pas une satisfaction pulsionnelle de la méchanceté, mais la méchanceté peut être une stratégie efficace pour atteindre ses buts de puissance et de domination. On peut conjecturer de cela qu'Olric n'a jamais été un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de parents qui lui aient paru être dignes d'être aimés et haïs, des adultes significatifs. Il a vraisemblablement grandi dans l'indifférence affective, ou ressenti comme tel, jusqu'à ce qu'il rejoigne un prytané militaire, sorte d'orphelinat où le souci majeur était de s'imposer à ses pairs, compagnons de dortoir réglementaire et de discipline absconce. Est-ce qu'on retrouve ce trait de caractère dans c'est le personnage être, de la bande dessinée? C'est pas un être immoral, c'est un être amoral, fondamentalement. Après, il faut distinguer entre le père, qui est pas tellement présent et puis qui meurt assez vite, et puis la mère. Il a quand même une relation avec la mère où enfin c'est plus compliqué. En fait, le père c'est un type qui lutte contre les moulins à vent, qui veut reconstituer un peu son statut social de noble féodal, mais qui n'y arrive pas, et qui est très préoccupé par ça, donc qui est très peu présent. Et la mère, c'est une femme qui est déjà émigrée de Hongrie, qui est dans un état un peu de nostalgie, de lassitude, elle a un peu des vapeurs, et on sait que finalement, même si elle a beaucoup aimé son fils, très vite, elle devient encombrante pour ce jeune homme. Donc, on ne sait pas s'il a pas été aimé, mais en tout cas, c'est un amour qui n'était pas très nourrissant. Et puis, c'est quelqu'un qui développe très jeune une pugnacité, en fait, qui veut s'échapper. Et déjà, il vit sur une île, il veut s'échapper, il veut découvrir le monde. Et il y a des individus comme ça qui, dès l'adolescence ou même avant, ont un désir d'affranchissement. Oui, et il me semble conquête. Qu'elle l'a beaucoup aimé, que ça lui a paru comme complètement envahissant, quoi, handicapant, et s'en libérer. Il y a une souffrance de la mère. D'ailleurs, à un moment donné, elle veut rompre, elle veut cesser de payer ses dépenses, puis quand même, elle veut recommencer pour le garder quand même. Enfin, donc oui, il a été aimé par sa mère, mais d'une façon qu'il n'a pas du tout ressenti comme telle, quoi. Alors, vous parlez des humiliations qu'il a pu subir dans son enfance, et comme votre enquête concerne à la fois l'histoire, la littérature, le cinéma, on y reviendra. Vous citez Le Rouge et le Noir de Stendhal, et dans lequel on trouve ce propos de Julien Sorel. C'est cela qui fabrique des Robespierre. Oui, les humiliations. Alors, quelles humiliations a-t-il subies? Bah, c'est notamment ce qu'il a vécu à l'école des cadets. Et puis là, Là, il faudra corriger, parce que je ne sais plus le nom du passage, l'épisode où il se fait virer, là, etc. C'est l'épisode qui nous a été relaté. Pour résumer, parce qu'il faudrait quand même que les gens lisent le bouquin, mais il se retrouve dans une fête. Il se retrouve dans une fête organisée par la noblesse russe avec sa mère. Et en fait, ils sont à Saint-Pétersbourg à ce moment-là. Mm-hmm. Il est à Saint-Pétersbourg, le père n'est pas là. Et Ulrich, en fait, provoque un petit esclandre, un impair, il parle mal à une jeune femme de la noblesse. Et en fait, il la trahison des élites, la perte de sens, du désespoir de la jeunesse. Voilà, enfin, il se croit autorisé à critiquer le pouvoir du tsar, en fait. Mmh. Mais sauf qu'il est en plein, finalement, dans une fête de l'élite russe à ce moment-là. Et en fait, lui et sa mère sont chassés de cette fête qui se trouve dans un château et sont chassés à coups de fouet. Ah oui, parce que la fille le dénonce à son père. Évidemment, évidemment, parce que lui, il fait le malin, comme ça, il a les chevilles qui enflent, il croit qu'il est capable de séduire cette jeune femme, et il est dénoncé. Ils sont chassés en plein hiver, sous la tempête, sans leur manteau, par des cosaques qui gardent le château, et il gardera de cette humiliation une espèce de colère et aussi une passion pour le fouet, d'ailleurs. Mais surtout que le lendemain, il apprend la mort de son père. Bien sûr, évidemment, il y a des corrélations parfois historiques qui sont incroyables, qui forgent les destins. Et puis dans le collège, tous ses camarades se moquent de lui, en fait. Bon, alors ça conduit pas forcément à faire des carrières à la Ulrich, mais tout ça s'est accumulé. C'est une enfance frustrante qui alimente une révolte qui va le guider toute sa vie après. Il faut dire qu'il n'est jamais exactement là où il affirme être légitime. Par exemple, en Russie, en fait, il est perçu comme un lapon, comme un plouc, finalement, venant des lointaines campagnes baltes. Chez les baltes... Ça, c'est l'insulte qu'il supporte le moins, l'espèce de lapon. Chez les baltes, on le traite de papiste, de catholique. Donc, en fait, de toute façon, il est toujours un peu étranger, où qu'il soit. Et c'est peut-être ce rejet qui va le pousser à adopter une attitude de vengeance, mais aussi d'apatride, d'affranchi, en fait, finalement, et qui correspond bien à ce type de personnalité, de criminel international, qui est pas attaché à une identité en particulier. Vous dites que c'est l'insulte lapon qu'il supporte le moins, mais son insulte préférée, alors excusez-moi si mon accent n'est pas parfait, mais c'est Ulier Décadence Communistak. Bah, c'est dans votre livre, hein. Oui, mais c'est du magyar, donc vous devriez traduire, puisque la traduction est normalement est fournie dans l'ouvrage. Et ouais, si je me souviens bien, on nous renvoie au dernier chapitre. Si je me souviens bien, ça veut dire espèce de vil et faible communiste. Il faut savoir qu'il appartient à ce moment-là à des mouvements nationalistes en Hongrie, en tout cas qui fréquentent ces cercles-là, et que les communistes sont en fait des jeunes gars qui font le coup de poing avec les jeunes nationalistes. Oui, ça veut dire une espèce de communiste dégénéré, enfin un truc comme ça. Oui, mais ça doit lui rappeler tout simplement ces épisodes de jeunesse où on se bagarre devant des bars et sur des placettes, ce qui est assez romantique et qui forge le caractère d'un type comme lui qui est aussi un homme de main. C'est un homme de complot, un homme de stratagème, mais c'est aussi un homme de main. Je parlais de cinéma tout à l'heure. Vous avez regardé, comme beaucoup d'autres, Le Patient Anglais, ce film de 1997 qui a reçu, je crois, 9 Oscars. Et vous y avez trouvé trace d'Ulrich. Incroyable. Alors, c'est il plus, était partout, finalement. C'est un poil plus subtil, hein. Ce qu'on dit, c'est que quand on a regardé le film par acquis de conscience, pour plein de raisons, parce que c'est lié à son père adoptif, il y a vraiment un moment dans un des plans, en fait, dans une des scènes, un type qui a l'air d'être Ulrich, mais vieux. Il a le même type de casquette, une espèce de gabardine, cette fine moustache, et ce personnage ne sert strictement à rien. On a quasiment l'impression qu'il s'est incrusté sur le plateau, en fait. Il y a le monocle. Il y a tout. Le fume-cigarette, la casquette convexe. Et évidemment, c'est normal que les critiques de cinéma n'y aient pas fait attention, parce que pour eux, l'homme fait partie probablement des figurants ou du décor. Il fallait vraiment qu'on ait ce point de vue sur Ulrich pour comprendre qu'il a peut-être cherché à certains moments à être un peu en lumière, parce qu'il a passé sa vie finalement d'abord dans la clandestinité, et puis à apparaître sous les traits d'un bonhomme de bande dessinée, mais qui était lui sans être lui. Et il y a des moments où l'ego, où la volonté d'apparaître peut-être a été plus forte, notamment à la fin de sa vie, en fait. Hubert Védrine. Dans ce qu'il a laissé faire par Jacobs, puisque notre enquête montre que Jacobs l'a rencontré, s'est inspiré de lui, a créé le personnage de bande dessinée qui, dans un premier temps, a rendu Ulrich furieux. Bon, mais on va y venir parce que on voit bien la tentation, l'ombre, parce que ça le protège. Il a besoin de ça pour devenir le grand trafiquant international, l'aventurier qui transgresse sans arrêt d'un bloc à l'autre pendant la guerre froide. Et en même temps, il y a une autre aspiration de lumière. Et il est sensible à la vanité, quoi, à la mégalomanie, au fait d'être connu. Il y a une tension entre les deux. Mais je suis pas un spécialiste de Blake et Mortimer, mais il me semble qu'à chaque fois que Ulrich apparaît... Vous allez devenir maintenant. Bien sûr. Mais à chaque fois que Ulrich apparaît, il est tiré à quatre épingles, il est toujours élégant. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne et qui... Alors ça, c'est très frappant dans les albums de Jacobs. Est-ce que c'était vrai pour le vrai personnage? Alors nous, oui, on a confirmé ça parce qu'on a retrouvé les tailleurs à Londres, quoi, qui fournissent les costumes. On n'a pas tout à fait retrouvé l'origine des uniformes, c'est un peu différent. Mais en tout cas, les tailleurs dans le quartier de Savile Row, les chapeaux chez Motsch, enfin, on a retrouvé beaucoup de sources comme ça. Donc en une fois, les uniformes, c'est plus mystérieeux. Mais on n'a pas réussi à démontrer par quel système il était toujours très, très élégamment habillé, où qu'il soit, quelle que soit la situation. Ce que Jacob Sassuf, il l'a vu ça, il l'a dessiné ça, très bien. Donc il y a un mystère, il y a des gens, il y a une partie des réseaux qu'on n'a pas mis à jour en fait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que très jeune, il a un goût pour... les vêtements, mais plus largement pour l'apparence, voire même le travestissement. Jacobs en témoigne dans son œuvre, et on sait qu'Ulrich aimait énormément pouvoir finalement pénétrer tous les milieux sociaux, et donc s'habiller en grand bourgeois, s'habiller évidemment en militaire, s'habiller en je ne sais quoi. C'est un type qui devait avoir des collections incroyables de postiches, de perruques, de vêtements, de trucs incroyables. Faut imaginer que peut-être une garde-robe géante comme ça, ou une capacité à se fournir tout le temps de ce genre d'objets. Et ça fait partie de, à la fois de ses besoins et à la fois de son identité. C'est quelqu'un qui, finalement, qui peut pas se contenter d'une seule identité. Alors, il y a un moment très fort dans votre livre, c'est lorsque vous racontez la première rencontre entre Ulrich et Jacobs. Vous avez même pu reconstituer le dialogue qu'ils ont eu, qui a été assez tendu, puisque Ulrich traite Jacobs de bureaucrate de l'illustration. En fait, la première rencontre, c'est avant ça, c'est avant la guerre. Ils se croisent à Bruxelles pendant une répétition d'un opéra. Mais ça suffit à Jacobs pour... Ils ne se parlent pas. S'ils se parlent un peu pendant la répétition et après, mais ils ne se connaissent pas bien, puis ça ne va pas loin... Et Jacobs, vous savez ce que sont les créateurs, les dessinateurs, les gens qui écrivent, c'est des cannibales, hein, ils se servent de tout ce qui passe à leur portée. Donc Jacobs récupère ça, il en fait un personnage de bande dessinée, c'est le secret de l'Espadon. Le premier. Après la guerre, le premier. Et Ulrich, qui est devenu entre-temps, après des péripéties variées en Europe centrale et en Asie que nous racontons, il est devenu un trafiquant international basé à Hong Kong. Et son activité principale à l'époque, c'est de dépouiller tous les Chinois qui ont un peu de richesse ou des œuvres d'art, qui fuient l'arrivée des communistes en Chine. Il est à Hong Kong, il met la main là-dessus. Bon. Et par hasard, dans un dîner chez le consul de France à Hong Kong, il voit l'album que quelqu'un a rapporté pour le fils du consul, qui est Le secret de l'Espadon. Et il voit que ce Jacobs a eu le culot quand même monstrueux, sans rien lui demander, sans rien lui dire. Il y avait que c'est la guerre, donc on pouvait pas communiquer. D'en faire un personnage. Alors au départ, il est furieux parce qu'il a besoin de l'obscurité quand même. Entre l'ombre et la lumière, c'est l'aspect ombre qui domine à ce moment-là. Mais ça veut dire aussi qu'il s'est reconnu. Bah, il se reconnaît, bien sûr. Il y a le nom, il y a plein de choses, même si les traits ne sont pas les mêmes. Donc il se dit, ni une ni deux. Il va à Bruxelles, c'est très compliqué en 1950, je ne sais plus, 51, d'aller à Bruxelles ou en 49. Et il va chez Jacobs et il le menace. Et on a reconstitué ça grâce aux souvenirs de la logeuse de l'époque qui écoute. Bon. Écoute à la porte. Écoute à la porte parce qu'elle pense que ce gars est menaçant, donc il faut peut-être qu'elle reste pas loin. Bon. Et donc, en effet, ils veulent faire arrêter, en fait. Enfin, arrêter de dessiner. Et puis Jacob se défile, il réussit à l'entortiller, à lui faire miroiter cette deuxième vie, cette forme de rayonnement, tout en lui disant, mais je vous mets pas en danger, je vous expose pas, parce que c'est pas vos traits exacts que je dessine. Et alors ça, on sait par les livres sur Jacob, c'est par ses mémoires de qui il s'est inspiré pour faire Ulrich, notamment le visage. C'est pas le vrai, en fait. Mm-hmm. Donc on donne pas le vrai. Il s'est dit, Ulrich, qu'il pouvait avoir une gloire indirecte grâce à la bande dessinée. C'est exactement finalement, ça, ouais. Ouais. Finalement, il croit ça. Il y a un aspect... Donc il y a un pacte. Il donne son accord, un pacte que vous qualifiez de faustien. C'est ça. C'est un pacte assez classique et c'est pour ça que ce type de pacte apparaît dans l'histoire de l'art ou de la littérature avant même cette histoire-là. Olric est vraiment séduit par l'idée d'être célèbre par procuration, tout en préservant sa clandestinité dont il a besoin pour ses activités criminelles. Et donc il y a un côté, c'est un peu comme Dorian Gray en fait. Et il va se retrouver au fil des décennies piégé par ce pacte. Parce que finalement, il va en devenir presque schizophrène, il va devenir jaloux de sa propre image, de sa propre représentation, de ses propres aventures, et finir par confondre ce qui lui arrive vraiment et ce qui est relaté, finalement à être perdu dans une espèce de zone grise entre le réel et la fiction. Et c'est ce qu'on raconte dans ce livre, c'est cet homme a vécu véritablement un trouble identitaire à cause de ce pacte originel. Mais... Au début, quand on en est à la séduction, quand Jacobs réussit à l'embobiner, quoi, elle convainc d'accepter ça. Alors il y a un accord que Ulric enverra des cartes postales sibyllines, mais dont l'autre tirera des choses parce qu'il est créatif. À certains moments de ses déplacements et de ses projets, pas trop, pas entièrement, que Jacobs répondra. Alors ça, on n'a pas trouvé les réponses de Jacobs. On a trouvé parce que quelqu'un nous a apporté les cartes postales, dans un sens par rapport à ça. Une centaine. Mais en même temps, Ulric émet une demande qui sera jamais satisfaite, qu'il soit pas dans les albums le personnage inspiré de sa vie, donc l'Ulric de bande dessinée, l'Ulric de Jacobs, soit pas toujours ridiculisé et pas toujours perdant. Enfin, c'est Blackie Mortimer. Et ça sera jamais réalisé, donc il devient périodiquement de plus en plus menaçant au fur et à mesure que les albums continuent, il n'atteint jamais son but. Ça, c'est la première fissure dans le pacte. Puis l'autre élément, c'est ce que Laurent a développé, c'est que le succès de cette la dimension fictionnelle de Jacob est tel que Ulric lui-même, à un moment donné, il ne sait plus qui il est. Donc il est envahi par ce personnage. Il devient schizophrène. Il reprend le contrôle. Il y a une forme de schizophrénie, absolument. Mais comment est-ce que vous avez fait pour travailler je parle de Hubert et Laurent Védrine. Vous avez mené toute l'enquête à deux ou est-ce que vous vous êtes répartis des tâches dans la recherche? Non, on a été obligé de se répartir les tâches, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes outils en termes d'investigation. On n'a pas les mêmes réseaux. Pas les réseaux d'Hubert qui a été ministre et diplomate, c'est pas les miens. Et moi, j'ai des réseaux qui sont liés plus au monde de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire. Et vous vous êtes complété. On s'est complété. En fait, on a fait avec les moyens du bord, concrètement. Et il y a beaucoup de moments, et c'est notamment ces éléments-là qu'on a mis dans le livre, où ça s'est véritablement confirmé. Les informations venant des réseaux diplomatiques ou de réseaux des services, et moi, mes informations venant des gens de terrain ou d'écrivains, à un moment, on a eu les mêmes infos et ça nous a permis d'avancer. J'ai l'impression que sans le réseau d'Hubert Védrine, l'enquête n'aurait pas aussi bien fonctionné, parce que non, on croise beaucoup de personnages très importants de l'histoire. Ah non, mais c'est pas mes réseaux. C'est pas parce qu'on a reconstitué le fait qu'il a été visité la maison d'Hemingway à Cuba que c'est mes réseaux, ça, vous voyez. Ou la démarche qu'il fait pour aller voir Ian Fleming, c'est tout à fait autre chose. Oui, vous aurez du mal à faire la part des choses entre ce que j'ai trouvé moi et ce que Hubert a trouvé. C'est bien pour ça que vous posez la question. Mais quand il s'agit de trouver un morceau de musique que nous allons passer, puisqu'on a atteint la fin de la première moitié de l'émission, est-ce que vous êtes mis d'accord rapidement? Est-ce que vous avez collaboré? Ou est-ce que l'un a imposé son choix à l'autre? On va d'abord écouter le morceau. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días. Desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. France Culture, la conversation scientifique. Quizás. Étienne Klein. Hubert Védrine et Laurent Védrine, alors qui a choisi c'est de la musique cubaine, pourquoi? Je crois que c'est vous, oui, Laurent, parce que quand, qui avez choisi ce morceau. Il y a un moment, je ne me souviens pas, c'était il y a quelques mois, je faisais des recherches dans les archives de la presse cubaine. Aujourd'hui, la presse cubaine a des archives en ligne. Mmh. Et j'étais tombé sur cette information que Nat King Cole, qu'on vient d'entendre, en fait, cette version espagnole d'un de ses albums, en fait, Nat King Cole fréquentait beaucoup les hôtels et les clubs, en fait, de la Havane dans les années 50. Il venait faire des concerts. Et c'est exactement à cette époque, justement, qu'on a retrouvé traces d'Olric dans les Antilles, et en particulier à Cuba. Notamment à l'occasion de l'enlèvement de Fangio, le grand pilote argentin qui a été donc enlevé à la Havane en 1958 à l'occasion du Grand Prix de Cuba. Il a été détenu, je crois, 26 heures. Il a été remplacé pour la course par Maurice Trintignant, qui a pris le volant de sa Maserati. Et pendant la course, il y a eu plusieurs morts. Un pilote cubain est sorti de la route et plusieurs spectateurs ont été tués. Et il semblerait que Ulrich est trempé dans cette affaire. Il faut rappeler que à ce moment-là de la vie d'Ulrich, ce qu'on a reconstitué est tout à fait incroyable. Au début, on a raconté l'enfance estonienne, et après, pour se venger des bolcheviks, il est plutôt du côté fasciste, donc il va travailler dans les services, il est tout jeune, hein, il travaille dans les services de l'amiral Horthy. Les Hongrois étant obsédés par le fait de reconstituer l'Autriche-Hongrie d'avant, ils sont déchaînés contre le traité de Trianon, qui a été signé après Versailles. Mais à Cuba. Donc il est plutôt du côté fasciste. Après, on reconstitue une série d'épisodes, oui, il accompagne quasiment une expédition nazie dans l'Himalaya avec des prétentions folles. Et après, on le trouve comme trafiquant d'art à Hong Kong, et puis en Égypte. Et puis, à un moment donné, alors qu'il est plutôt lié avec ce côté-là, on le voit qui offre ses services à la CIA. Alors ça, c'est incroyable. Un immense expert de ces questions, comme Alexandre Adler, que nous citons d'ailleurs, nous dit qu'il y a eu quelques cas pendant la guerre froide de gars qui ont transgressé. D'agent double, une triple. Fois, deux fois, mais pas 36 fois. Lui, donc, c'est un agent quintuple. Il a quand même un talent fou, même si alors c'est à la fois consécutif et simultané, parce que s'il n'est pas liquidé par les anciens employeurs, c'est parce qu'il continue à les... Enfin bref. Du coup, ce que vous avez dit, Alexandre Adler, c'est que tous les agents doubles sont liquidés, en fait, sauf lui. Et quelques autres, mais lui, il était quintuple. Presque tous. Donc il arrive, à un moment donné, la CIA se dit, on va employer ce gars, en plus il a un passé chargé, donc on le tient, et il l'envoie à Cuba. Voilà le lien à Cuba. Mais il l'envoie à la fin de la dictature de Batista. Et c'est pour aider la police de Batista à réprimer l'insurrection qui monte, qui arrive, qui va être celle des frères Castro. Et c'est dans cette période-là un peu trouble, qu'il y a la vie, donc, dans les cabarets de la Havane, les soirées, il s'intéresse aux danseuses, toute une série de choses. Et après la chute que l'on connaît de Batista et l'arrivée de Castro, il va se retrouver avec tout cet ensemble d'exilés cubains à Miami, et puis se trouver à magouiller, à trafiquer avec ces gens qui voudraient revenir à Cuba, qui sont liés à la CIA, à la mafia, il y a tout un méli-mélo. Et il y a un épisode qui est pas du tout d'ailleurs dans les albums de Jacobs, qui s'est pas du tout servi de ces périodes-là, en fait. Et entre Cuba, la Californie, Hollywood, enfin, vous voyez, c'est l'Amérique du début des années 60, c'est la période Kennedy. Voilà un enchaînement mais c'est un cas quasiment unique de transgression. Je voudrais donc après, il va retravailler pour des services liés aux soviétiques. Enfin, il fait des allers-retours sans arrêt. Et à notre avis, c'est parce qu'il trahit sans arrêt, quoi, en même temps. Ça, c'est très... Laurent Védrine. Vraiment propre à Hubert, cette manière d'enquêter très, très globale, en fait, vient de faire une fresque de plusieurs décennies. Mais à propos de Cuba... Moi, j'avais un truc à dire sur les voitures, en fait. Allez-y. Et parce que je viens d'y penser, on aurait dû l'écrire. Vous parliez de cette photo de prise par Ulrich d'une course automobile à Saint-Pétersbourg dans les années 1910. Et puis cet accident, Fangio enlevé, la course automobile à Cuba en 58. Et on a les preuves aussi qu'Ulrich était obsédé par les bagnoles, en fait, par les moteurs. Il aimait bricoler les voitures, démonter les moteurs, les réparer. Il était obsédé par les mécaniques, les vieilles mécaniques, les belles mécaniques, etc. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un rapport... À ce genre d'objet, en fait, toute sa vie. Et c'est d'ailleurs une vraie preuve qu'on tient le fil du même personnage en autobiographie, cette relation entre les voitures, 40 ans avant, Saint-Pétersbourg, puis là. Et s'il s'est retrouvé près de Fangio, c'est que peut-être il espérait le croiser, lui serrer la main, peut-être éviter l'enlèvement, peut-être qu'il était au courant de cet enlèvement. Faire un tour de piste avec lui, peut-être. On ne sait pas, mais il était attiré par ce genre de gars qui avait sûrement du courage, de la trempe, qui était prêt à prendre des risques énormes. Et c'est peut-être comme ça qu'il se considérait. Mais en vous lisant, on découvre qu'à propos de cette période cubaine, Eric Orsena vous a beaucoup aidé. Ah oui, il nous a énormément parlé, à tel point qu'on n'a pas pu mettre l'ensemble de son témoignage, parce que c'est un épisode important dans la vie d'Eric. Une partie de la famille est d'ascendance cubaine, donc c'est Laurent qui l'a vu, il lui a beaucoup parlé sur plusieurs épisodes. Ce que je peux affirmer, vous a-t-il dit, c'est qu'on confirme la présence d'un personnage appelé Ulrich. Je le sais par ma grande-tante qui travaillait comme maquilleuse au Ballet National de Cuba. Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'Ulrich était fasciné par les voitures cubaines, ça confirme ce que vous disiez, mais aussi par la grâce de tes très jeunes danseuses. Il les faisait venir dans des hangars pour soi-disant des répétitions, voire plus. Il ne participait pas aux chorégraphies, mais il était fasciné par leur élégance et leur grâce. Oui, ça me permet d'ailleurs de clarifier un point, c'est que dans Jacob, il n'y a pas de femme. D'ailleurs, dans Hergé, il n'y en a quasiment pas, à part la Castafiore. Mais parce que c'était la littérature pour la jeunesse. Oui, c'est ça. C'est pas à cause de leur position personnelle sur le sujet, c'est parce que la littérature sur la jeunesse interdisait absolument, c'était très encadré. Mais nous, on n'a pas cette contrainte. D'ailleurs, on s'adresse plutôt à un public mature. Bien sûr, et on n'a pas la contrainte adulte, en tout cas. Des législations des années 50 pour les enfants. Donc on a fait apparaître, mais pas tout, parce qu'on ne sait pas tout en fait, faudrait poursuivre l'enquête, un certain nombre de femmes qui sont importantes dans la vie de Ulrich. Alors il y a cette tentation à l'époque cubaine pour les jeunes danseuses, mais il y en a avant déjà, il y a plusieurs personnages importants, il y a une femme avec laquelle il y a une fille qui nous a écrit, c'est en annexe à la fin du livre, oui. Et il y a la femme avec laquelle il se retire au moment où il est beaucoup plus vieux et puis il veut se poser un peu. Il a marre de courir partout dans ce domaine très beau. Il monte à cheval sur ses chevaux magnifiques, les Acaltequés. Bon, il y a une série de deux femmes qui jouent des rôles importants. Celle-là, d'ailleurs, on sait qu'elle fait des crises de jalousie terribles parce qu'elle ne veut pas entendre parler de toutes les autres d'avant et notamment pas de la mère. La mère de la fille, qui est sans doute une starlette américaine. Donc on a réintroduit ça. C'est pas un livre érotique, hein, faut être net avec les lecteurs. C'est très net. Mais on a réintroduit cette dimension vraie et plus complète. C'est des marqueurs chronologiques dans sa vie, et comme toute personne, il avait aussi des relations amoureuses. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai qu'on a retrouvé ses traces. Amoureux, on ne sait pas, enfin, en tout cas des... Je parle pas des épisodes à Cuba, mais pour revenir sur cet épisode à Cuba, ce qui est étonnant, c'est que donc Orsena, qui est notre source, ça les auditeurs pourront se renseigner, il a vraiment des origines cubaines, il a quand même pris le soin d'envoyer des mails à sa famille, il était allé quelques mois avant, justement pour poser la question, pour qu'on lui rafraîchisse la mémoire, et il y avait des faits avérés, puis tout un tas de légendes, tout un tas de salades, tout un truc complètement improuvable, en fait, mais totalement délirant, qu'on n'a pas mis dans le livre, parce que c'est un livre sérieux. Et du coup, Orsena, lui, il voulait qu'on pousse un peu, qu'on rajoute plein d'autres trucs. Enfin, il y a des histoires de cryogénisation de Cuba, qui aurait lancé des fusées avant même les Américains, tout ça grâce à Ulrich. Et c'est marrant comme ce personnage, finalement, pousse les témoins, les sources, nos informateurs, parfois, à délirer. Il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé, c'est votre voyage et même votre séjour à Chamonix. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Chamonix, où vous avez circulé dans la ville en motoneige? J'ai jamais vu ça. Alors, Il s'agit d'un motoneige électrique. Et c'est un... Comment on dit dans l'industrie automobile, un modèle expérimental, c'est ça? Oui, c'est un autre nom. En fait, c'est un prototype. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a beaucoup de pollution à Chamonix à cause du transit autoroutier. Et donc, il y a des feux de cheminée, surtout. Il y a une société qui nous a proposé de pouvoir effectuer notre enquête grâce à ce véhicule pour qu'on se déplace discrètement, qu'on puisse aller un peu partout. Donc, on a accepté leur proposition. Mais ça n'a rien à voir avec Ulrich. En tout cas, on est allé là-bas parce que Ulrich a beaucoup fréquenté le monde ésotérique. Le monde des spirites, le monde des diseurs de bonne aventure. On sait que Jacobs aussi était intéressé par ça. Et il se trouve qu'on a, voilà, on avait un contact avec une médium qui vit à Chamonix et qui nous a permis d'avancer à un moment où on était coincé dans notre enquête. En fait, elle a vraiment été visitée par des esprits. Elle a été en contact avec des esprits et c'est grâce à elle qu'on a pu trouver d'autres informations. Enfin, c'est toute une histoire de tiroirs et de clés qui s'ouvrent les uns à la suite des autres. Vous avez aussi rencontré la professeure Nicole Nova Meredith Sayat, qui est une ethno-historienne qui travaille au Dalai, qui est la direction des affaires linguistiques autochtones et indiennes, au sein du Lama, qui est le laboratoire d'analyse des mondes asiatiques. Mm-hmm. Elle vous a dit quoi, cette dame? Finalement, cette dame du Dalai Lama. On attendait beaucoup d'elle. C'est un petit département en fait d'ethnologie hein, en Seine-Saint-Denis, qui est d'ailleurs menacé par les coupes budgétaires. Et elle nous a tout simplement dit que elle pouvait pas nous aider, qu'elle n'était pas spécialiste de la bande dessinée. Enfin, vous savez comment sont les universitaires. Parfois, ils ont du mal à passer d'un monde à l'autre. Ah oui, ils sont assez cloisonnés souvent. Et du coup, elle nous a dit allez surtout voir le musée d'Alexandra David-Nel, grande exploratrice du Tibet. Enfin, tout ça, c'est lié à un épisode de la vie d'Ulrich. Qui est à Digne-les-Bains. En fait, tout ça, c'était la même enquête pour retrouver les traces d'Ulrich en Asie et en particulier au Tibet. Et il raconte l'enquête. Nos informateurs, ceux dont les noms sont cités, c'est des gens qui ont accepté d'être cités parce que ça les menace pas. Et il faut imaginer que c'est vraiment le dessus de l'iceberg, qu'il y a des dizaines d'autres informateurs et de sources dans tous ces pays. En fait, vous êtes honnête, quand vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous le reconnaissez. Oui, et on a même indiqué qu'on a eu des problèmes dans la recherche. Alors, ça correspond à la vie d'Ulrich quand il a commencé à travailler pour les grands services secrets, en fait, des grandes puissances. En passant des uns aux autres. Et là, manifestement, dans une partie de notre recherche, ça correspond, c'est pas le début de sa vie, ça, c'est plutôt après, on voit bien que même si les acteurs sont plus là, c'est pas les mêmes gens, etc., les services ont comme une mémoire longue, et ils ont pas forcément envie que tout ça soit dévoilé, en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé d'une biographie non autorisée, enfin, c'est-à-dire... Ouais, enfin, parfois, on a l'impression que vous en savez plus que ce que vous racontez. Oui, bah oui, en effet, on n'a pas tout écrit, oui, c'est sûr. Quelques secrets qui sont bien gardés. Oui, ça on peut vous confirmer qu'il y a des choses qu'on s'est engagé à pas les dévoiler, mais ça nous a permis, de comprendre le reste. Mais Hubert Védrine ou Laurent Védrine, est-ce que vous savez dire pourquoi on l'appelle le colonel Ulrich? D'où ça vient ce grade? On n'a pas trouvé. Moi, on n'a aucune preuve, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis. J'ai une théorie, c'est que comme il a grandi quand même en tant qu'adolescent dans un collège militaire à Saint-Pétersbourg, peut-être qu'il avait fantasmé d'avoir ce grade-là, peut-être qu'entre adolescents, il s'offrait des grades. Il se l'est attribué, quoi. Voilà, il s'est peut-être auto-attribué un grade militaire, ou peut-être qu'il avait un faux grade militaire lorsqu'il travaillait pour les services secrets hongrois. Enfin, ça, on n'en sait rien. Non, pas hongrois, parce qu'il était vraiment un chef d'agitation pour des petites missions. Il en a peut-être parlé à Jacob. Peut-être qu'il s'est vanté d'avoir un titre de colonel. Voilà. Ah oui, c'est possible. Ça, oui. Ça on n'a pas retrouvé. Jacobs, on n'a pas retrouvé. En fait, tout ce qui concerne... Général, ça aurait été trop facile à vérifier. Colonel, peut-être. Oui. Oui, ça doit être ça, en fait. Tout ce qui concerne cet aspect martial de sa personnalité, c'est resté assez obscur. Mais quand vous n'arrivez pas à trancher une question comme celle-ci, ça n'empêche pas que vous arrivez à montrer que certaines affirmations sont fantaisistes. Par exemple, moi j'avais lu qu'Ulrich aurait été aperçu au drugstore du boulevard Saint-Germain le soir de l'enlèvement de Ben Barka, le 21 octobre 1965. Ça, on dit justement qu'il n'est pas lié à ça. Et vous, justement, vous arrivez à contredire, à montrer que cette affirmation, cette légende, au fur et à mesure que est une fake news. Que l'enquête a avancé, on a vu qu'on avait supposé que Ulrich était partout, qu'on a eu des informations qui sont fausses, et donc on les a mentionnées pour les écarter. C'est comme le lien aux États-Unis entre Ulrich et Oswald. Vous voyez, des choses Oswald comme ça. Oswald qui a assassiné Kennedy. Oui. Alors ça circule, à un moment donné, il devient tellement présent et puis il est lié à tellement de groupes antagonistes qu'on est obligé de se poser de la question, on a vérifié. Mais, et puis il y a eu des fuites. On a écarté méthodiquement une série d'hypothèses fantaisistes, mais enfin, il en reste quand même énormément. Il y a des gens qui, entendant parler de notre enquête, nous envoyaient des mails où ils disaient « Ah, moi je pense que Ulrich a participé à ceci ou cela, à ce complot-là, à cette tentative de coup d'État ». Donc des gens voulaient finalement se positionner comme source historique ou comme informateur, et on a vérifié dans tous ces cas-là que c'était complètement complètement délirant en fait. Moi j'ai rencontré un expert il n'y a pas longtemps qui a lu le livre dès sa sortie, là, il y a quelques jours, et qui me dit « Mais je suis sûr que Ulrich était mêlé à l'opération de... consistant à réinstaller Mussolini dans l'éphémère république de Salo. Donc il avait été avant il était emprisonné, il a été libéré par un commando, et c'est Hitler qui a décidé qu'il fallait que Mussolini revienne pour tenir ce morceau-là, bon, etc. En fait, il devient et un peu le chaînon manquant pour beaucoup de gens. Un expert me dit, mais Ulrich est manifestement lié à ce commando-là, mais nous on n'a aucun élément là-dessus. Enfin, on a l'impression en effet que son existence permet de comprendre beaucoup d'événements du XXe siècle qui, sans sa présence, demeuraient très énigmatiques. Oui, ça permet de répondre une partie, n'exagérons pas, une partie des interrogations. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Ulrich a survécu à sa mort ? Puisque Jacobs l'élimine dans un album s'appelle « Les trois formules du professeur Sato ». Mais ça, c'est notre thèse. Et là-dessus, les lecteurs de bonne foi se font une opinion. Mais quand on voit que Jacobs... Dans le dernier épisode, qu'il a d'ailleurs pas terminé pour des raisons de maladie, mais il avait prévu le scénario, en fait. Donc, dans le deuxième épisode de la formule du professeur Sato, Ulrich disparaît dans un hélicoptère qui est rattrapé et détruit par un robot de la police. Il voulait mettre la main sur toute la robotique japonaise, et on voit ce qu'elle est devenue après. Et nous disons, compte tenu du fait qu'on trouve des éléments de la vie d'Ulrich après, on trouve des Ulrich en Roumanie, qui travaille pour Ceausescu. On trouve les réunions secrètes pour essayer de mettre la main sur certaines des inventions extraordinaires que peut-être Jacobs connaît pour faire fortune. On trouve des épisodes maoïstes. Enfin, on trouve... Et puis le moment où il se calme, il se pose dans un grand domaine à côté de Vienne parce qu'il veut profiter de la vie à plus. Bon, tout ça. Comme on trouve des tas d'éléments après, y compris les épisodes dans la clinique alpine, qu'on a pu suivre parce qu'un des deux psys qui avait quitté la clinique après est parti dans un ashram et après il a raconté. Bon, il y a plein de fils en fait. Donc et on se dit, c'est pas possible, c'est ça continue. Le personnage de BD qui meurt. Enfin, alors justement, oui, moment, le personnage de BD meurt, mais le vrai Ulrich reste vivant. Oui, mais nous on retrouve des tas d'épisodes après, donc nous disons dans le livre. Le vrai Ulrich ne survit pas à sa mort de bande dessinée. Il n'est pas du tout impacté par le choix de Jacobs de faire apparemment mourir. Le personnage dans cette case de bande dessinée, encore que d'ailleurs c'est la dernière case de cette bande dessinée et qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Connaissant on peut quand même dire la capacité du gars à survivre à tout et n'importe quoi. On peut quand même dire qu'il est vivant plus mort et il est le chat Schrödinger. Il est entre les deux. En tout cas, c'est ce que Jacobs a proposé, puisque Ulrich, il a quand même ressuscité de congélation, de quasiment, BD. Il était quasiment atomisé, enfermé dans des trucs. Oui, donc ce personnage ne cesse de ressusciter ou de survivre. Donc pourquoi pas? Parce que Jacobs ne dessine plus que Ulrich, lui, a disparu. Jacobs aurait pu le faire renaître, puisqu'il avait fait survivre au bombardement atomique de Lhassa. Bah ouais, donc dans l'Espadon. Et d'où notre thèse, que comme Conan Doyle, qui en a eu marre de Sherlock Holmes à un moment donné, donc il le fait disparaître avec le professeur Moriarty, son ennemi juré, dans le gouffre du Reichenbach. Donc on dit c'est la même chose. Jacob s'est débarrassé d'Ulrich à un moment donné. Mais nous, on n'a aucune raison d'être tenu par cette partie-là de l'œuvre fictionnelle mais de Jacob. Mais quand même, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Ulrich est mort? Probablement. Oui. Enfin, le Ulrich dont on parle, l'Ulrich de chair et en os, étant né au début du XXe siècle, il faudrait vraiment, enfin, ce serait un centenaire particulièrement retapé ou en forme pour qu'il soit encore vivant, imaginez. Mais s'il est encore vivant, et disons, avec tous ses moyens, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui à votre avis? Dans quel trafic tremperait-il? Moi, je pense qu'il serait mal à l'aise, en fait. Lui quand l'actuel dirigeant de la Corée du Nord et Trump se sont un peu échauffés, là, il y a 2 ans, se menaçant de s'atomiser l'un l'autre, comme ça. C'est et bien. Ça m'a vraiment fait penser à Ulrich. J'étais convaincu qu'il agissait dans l'ombre, soit du côté de Trump, soit du côté de Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Sung-il, enfin, je ne sais plus. Et en tout cas, ça aurait pu être lui, parce que c'était vraiment un cas assez classique. Mais là, c'est plus possible en termes de date. Oui, sauf cryogénisation, accès à des technologies de, pour réparer le, l'organisme. Alors, c'est pire que Jeanne Calment. Non, mais... C'est mieux que Jeanne Calment. Oui, c'est mieux. C'est, et pourquoi c'est est-ce que vous dites que la biographie que vous avez publiée d'Olrich est une biographie non autorisée? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit autorisée? Et comme le disait Hubert, c'est parce qu'il y a un certain nombre vous de... Vous êtes allé voir les éditions d'Argo pour vérifier que... Ils vous autorisaient oui, ils étaient d'accord, à faire l'enquête. Oui, ils étaient d'accord. C'est plutôt les sources et les gens qui nous ont informés, qui ont accepté de parler, mais ils ne nous autorisent pas à dévoiler leur nom. Et c'est non autorisé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que... C'est publié par Fayard, mais les gens d'Argo ont été extrêmement amicaux et coopératifs. D'ailleurs, on les remercie au début, mais eux-mêmes n'ont pas réponse à tout, vous voyez. Donc, non autorisé, c'est plutôt ça. C'est plutôt les anciens grands services, les services descendants des grands services secrets des grandes puissances, qui n'ont pas envie qu'on creuse trop ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait eux-mêmes quand ils ont employé ce genre de gars. C'est plutôt ça. C'est pas que des gens des services, il y a des gens qui sont des descendants, des ayants droit, des fils ou filles de gens qu'il a croisés, qui nous ont montré des documents, des dossiers, des photos, des gens que, qu'on a pu contacter. Des trafiquants qui ont continué, des choses comme ça. J'avais une question à vous poser, soit Laurent Védrine, soit Hubert Védrine. Est-ce que vous avez lu ce roman de Patrick Modiano qui s'appelle Chien de printemps? C'est l'histoire d'un photographe qui suit Kappa en Indochine, et Kappa est tué là-bas, et quand il revient, il reste chez lui pendant 4 ou 5 ans dans le même appartement, et puis il disparaît, et le narrateur part à sa recherche, et peu à peu, à mesure que ses découvertes augmentent, il se sent aspiré par la personne qu'il recherche, il devient celui qu'il recherche. Est-ce que ce syndrome vous est arrivé? Est-ce que vous avez l'impression qu'en fréquentant l'existence d'Olrich, en trouvant les morceaux du puzzle, vous arrivez à... Vous finissez par vous confondre avec lui. Ou à le comprendre, à comprendre ses motivations. Le comprendre peut-être, nous confondre avec lui, j'espère que non, mais là vous posez une question sur l'abîme, parce que ce que nous racontons, c'est le phénomène de l'Olrich dont nous racontons la vie, lui-même cannibalisé par l'Olrich de Jacobs. Donc ça serait même question au second degré. Oui, mais nous, en tant qu'auteurs... on aurait pu être menacé par un tel syndrome. Et il y a d'ailleurs un épisode qu'on a accepté de raconter, parce que l'éditrice voulait qu'on en parle, où on a passé une semaine dans un appartement à Budapest pour consulter un dossier. Et à force d'être dans ce huis clos, enfermé avec des documents sur Olrich, parlant d'Olrich, ou parfois de sa main, il y a des moments où on se sent presque en sympathie. Il y a un côté syndrome de Stockholm, mais on a dû sortir de cet appartement, parce qu'on était trop... pas en sympathie, mais entre fasciné et intéressé, puis excité par empathie. Tout le... Voilà. Empathie. Et on s'en est protégé, on est sorti dans la rue, on a dû faire des breaks, en fait. Et c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, donc il y a un intérêt. Mais je pense qu'en faisant ça à deux, on est protégé du syndrome dont vous parlez. Sauf que c'est un personnage sacrément intéressant, et qui s'en dit long sur le XXe siècle. Mais moi, je pense qu'il ne serait pas à l'aise. Enfin, même s'il était... encore en état d'être en activité, je parle biologiquement. Je pense que dans le monde de la transparence, le monde digital, le monde de la bien-pensance, par ailleurs... De la reconnaissance faciale. Oui, je pense qu'il n'aurait pas du tout le même espace. Vous avez reçu une lettre de sa fille, qui s'appelle Julia Kirlo. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je ne veux pas trop qu'on livre la fin du livre, mais il me semble que c'est un message important. Je vais laisser parler Hubert, c'est Hubert qui a reçu la lettre. Eh ben, elle a appris par différents canaux qu'il y avait une enquête en cours et elle plaide pour qu'on soit le plus objectif. Enfin bon, plus respectueux de sa mémoire surtout. En disant il peut pas être que mauvais quoi. C'est ça qu'elle dit. Il peut pas être entièrement mauvais. Et puis d'ailleurs même si alors il y a eu un jeu compliqué mais qu'on n'a pas tiré à jour complètement sur le fait qu'il a reconnu pas reconnu, il l'a vu pas vu. On sait pas très. Enfin là, elle a quand même été élevée ailleurs dans un petit bled, Smallville, chose comme ça. Bon. Et donc, elle fait d'ailleurs un portrait de Sharkey, vous savez, cet Américain abruti là qu'on voit dans la série Black et Mortimer, parce que Jacobs, il est centré sur l'Angleterre, en fait. C'est l'Angleterre qui a résisté. Et il tient pas compte de ce qu'est la puissance américaine après la guerre. Et le seul Américain dans Jacobs lui-même, c'est Sharkey, qui est un homme de main, un tueur abruti, quoi. Et elle dit, non, mais pas du tout, il s'appelait Joël Requin, et il s'occupait de moi. Donc, c'est troublant, et en fait, donc, c'est un appel en disant, essayez d'être... Enfin, j'espère que par rapport au précédent biographe, parce qu'elle, elle considère Jacobs comme un biographe. Vous voyez, pas comme l'inventeur, mais comme un biographe. Et donc, j'espère que vous serez plus équilibré, que vous ferez apparaître. Alors, justement, ça sera ma dernière question. De sa est-ce qu'il y a quelque chose dans Ulrich qui pourrait susciter en nous une forme d'empathie, voire d'admiration pour ce qu'il a fait? Bah. Ou est-ce que tout est noir? Non, non, moi je crois que tout n'est pas noir du tout. D'ailleurs, quelqu'un qui change de chemise régulièrement ou qui retourne sa veste régulièrement ne peut pas être que tout noir, par principe. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui s'est inventé une vie, qui s'est débrouillé pour être libre, certes avec des méthodes répréhensibles, c'était la criminalité, le vol, le complot, mais on peut sans recommander ces méthodes, admirer ses tempéraments, ses destins, ou coûte que coûte, on évite de subir finalement les je sais pas quoi, la puissance des autres, sa famille, son destin, l'État, et qu'on essaie de se créer une vie aventureuse et romanesque. Et ça, on pourra pas lui enlever. Et il y a beaucoup de gens qui sont séduits par ce genre de perspective. Alors, autant le faire avec les forces du bien, mais si c'est avec les forces du mal, c'est quand même admirable de voir que ça marche aussi. Si je comprends bien, les forces du mal, c'est déjà pas mal. Une énergie indestructible pour construire son propre dessin, sa propre vie, mais à la fin des fins, quand il est dans la clinique, et on cite la rencontre rapide avec George Lucas, il y a une interrogation. Bon, c'est Nietzschéen, quoi. C'est, on est par-delà le bien et le mal. Il se pose la question, quand même. Et donc, il a façonné sa propre vie. On sent chez vous, Hubert Védrine, monsieur le ministre, une sorte d'admiration, quand même, latente. Non, admiration, c'est trop dire, mais je salue l'énergie, le parcours. C'est certainement pas une attente. Mais quand même, c'est un personnage, je dis, on peut pas le ramener à un banal méchant de bande dessinée, vous voyez? C'est ça que nous sommes en train de dire tous les deux. En tout cas, je vous remercie, Laurent Védrine, Hubert Védrine, d'avoir participé à cette conversation scientifique. C'était une conversation scientifique, puisque vous avez mené une enquête qu'on pourrait qualifier de scientifique. Vous avez restitué aussi bien que possible l'existence de ce personnage réel, qui s'appelle Ulrich, et je vous en remercie. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher, et à la réalisation Delphine Lemaire. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.